بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. L'ordre d'Allah est bientôt venu. Ne le hâtez donc pas. Gloire lui soit rendue. Lui est bien au-dessus de ce qui lui associe. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Il fait descendre les anges avec la révélation, et de par son ordre, sur qui il veut parmi ses serviteurs, avertissez les hommes qu'il n'y a point d'autre divinité que moi. Alors, craignez-moi. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, et il est bien au-dessus de ce qui lui associe. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme s'érige en contradicteur manifeste. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. Les bestiaux, il les a créés pour vous. Ils vous sont source de chaleur et d'autres avantages encore, et vous vous en nourrissez. Ils vous sont source de beauté quand le soir vous les ramenez et quand au petit jour vous les menez au pâturage. Ils transportent vos lourds chargements vers des pays que vous ne sauriez atteindre sans peine. Votre Seigneur est tout compatissant et tout miséricordieux. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Et il a créé pour vous les chevaux, les mulets et les ânes, pour qu'ils vous servent de monture et pour l'apparat. Et il crée ce dont vous n'avez nulle connaissance. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. Allah se charge d'indiquer la direction menant à la juste voie, dont certains s'écartent pourtant. S'il voulait, il vous y conduirait tous. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. C'est lui qui a fait descendre du ciel une eau dont vous buvez et qui fait pousser les plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Par cette eau, il fait pousser pour vous différentes cultures, de même que les oliviers, les palmiers et les vignes, ainsi que toutes sortes de fruits. Il y a bien là un signe pour des gens qui savent réfléchir. Il a soumis à vos besoins la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et les étoiles sont tout aussi assujetties de par son ordre. Il y a bien là des signes pour des gens qui savent raisonner. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. Ce qu'il a sur terre soumis à vos besoins est de différentes couleurs. Il y a bien un signe pour des gens qui savent méditer. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. C'est lui aussi qui a soumis la mer pour que vous en mangiez une chair tendre et que vous en retiriez des bijoux dont vous pouvez vous parer en les portant. Tu vois les vaisseaux fendre les flots, prêts à vous transporter et vous permettre de rechercher de ses faveurs. Peut-être alors lui rendez-vous grâce. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Il a établi sur terre des montagnes solidement implantées afin qu'elles ne se meuvent pas et ne vous entraînent avec elles. Et des rivières et des sentes, pour que vous puissiez vous diriger et retrouver vos chemins. Tartadoun. Ainsi que d'autres points de repère, comme les étoiles, grâce auxquelles ils, les hommes, s'orientent dans la nuit. Celui qui crée, est-il donc pareil à celui qui ne crée point? Ne pouvez-vous vous en souvenir? إن الله لغفور رحيم. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez en arrêter le nombre. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. Allah sait ce que vous gardez dans le secret du cœur et ce que vous exprimez ouvertement. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien et sont eux-mêmes créés. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Ils sont morts, non vivants, et ne savent point quand ils seront ressuscités. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas au jour dernier renient par leur cœur cette évidence, tout orgueilleux qu'ils sont. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il garde dans le secret du cœur et ce qu'il exprime ouvertement. Mais il n'aime pas les orgueilleux. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Et quand il leur est demandé, qu'a donc révélé votre Seigneur ? Ils répondent, ce ne sont que d'anciennes légendes. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Qu'ils portent donc, le jour de la résurrection, tous les fardeaux de leurs propres œuvres, et certains fardeaux de ceux qu'ils dévoient sans aucun savoir. Quel abominable fardeau que le leur. Ceux qui les ont précédés avaient tramé des intrigues. Allah s'en prit alors au fondement même de leur édifice, dont le toit s'écoula sur leur tête, et le supplice s'abattit sur eux par là où ils ne pouvaient le sentir venir. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Puis le jour de la résurrection, il les humiliera et dira: où sont ceux que vous me prêtiez comme associés et pour lesquels vous vous mettiez volontiers en scission? Ceux qui ont reçu le savoir diront alors: la honte et le malheur couvrent aujourd'hui les mécréants. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Ceux dont les anges reprennent les âmes et qui étaient injustes envers eux-mêmes avoueront leur soumission et diront: nous ne faisions aucun mal. Que si leur sera-t-il répondu: Allah sait parfaitement ce que vous faisiez. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Entrez alors par les portes de la géhenne où vous séjournerez pour l'éternité. Quel horrible séjour que celui des orgueilleux. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Et il sera dit à ceux qui avaient la piété: qu'a donc révélé votre Seigneur? Que du bien, répondront-ils. Pour ceux qui auront accompli les bonnes œuvres en ce bas monde, il y aura un bien, mais la demeure dans notre monde est certes bien meilleure. Quelle magnifique demeure que celle des hommes pieux. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. C'est dans des jardins d'Éden, sous lesquels coulent les rivières qu'ils entreront. Là, ils auront tout ce qu'ils voudront. C'est ainsi qu'Allah récompense les hommes pieux. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ceux dont les anges reprennent les âmes en état de pureté, leur disant: que la paix soit sur vous. Entrez au paradis en récompense de ce que vous faisiez. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Attendent-ils donc pour devenir croyants que les anges viennent les surprendre ou qu'advienne l'ordre d'Allah? C'est ainsi qu'avaient fait leurs prédécesseurs. Allah ne les avait point lésés, ils se lésaient eux-mêmes. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ils furent donc frappés par ces mêmes crimes qu'ils avaient commis et furent cernés par cela même dont ils se moquaient. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Si Allah l'avait voulu, dirent les associâtres, nous n'aurions rien adoré en dehors de lui, ni nous, ni nos pères, et nous n'aurions rien interdit, il n'est lui-même interdit. C'est ainsi que se justifiaient ceux qui les avaient précédés. De quelle mission sont investis les messagers, sinon de la transmission claire et explicite? Nous avons envoyé à chaque communauté un messager, lui transmettant « Adorez Allah et évitez le tarout ». Certains furent guidés par Allah, d'autres furent voués à l'égarement. Allez donc de par le monde, et voyez quel fut le sort de ceux qui osaient nous démentir. C'est en vain que tu t'emploierais à leur éclairer la voie, car Allah ne guide point ceux qui ont préféré se perdre. Ceux-là n'auront aucun allié pour les secourir. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Il jure par Allah avec la plus grande solennité, affirmant Allah ne ressuscitera pas ceux qui meurent. Que si, c'est une promesse de vérité dont il s'est chargé, mais la plupart des hommes ne le savent pas. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Il les ressuscitera, afin de leur montrer clairement l'objet de leur discorde, et pour que les mécréants sachent qu'ils étaient des menteurs. À chaque chose que nous voulons, il suffit que nous disions « soit » et « elle est ». Ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah, après avoir été lésés, nous les établirons en ce bas monde et leur donnerons demeure honorable. Mais la rétribution dans l'autre monde est bien meilleure, si seulement ils savaient. Ce sont eux qui ont su prendre patience et qui s'en sont remis à leur Seigneur. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous révélions nos messages. Interrogez donc les gens qui avant vous ont reçu les écritures, si vous ne savez pas. Ils furent envoyés avec les preuves évidentes et les écritures. Et nous avons fait descendre en révélation vers toi le rappel, pour que tu montres aux hommes ce qu'il leur est révélé, et pour qu'ils puissent y réfléchir. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. Ceux qui ont cramé des intrigues maléfiques, sont-ils si assurés qu'Allah ne fera pas couler la terre sous eux, ou qu'ils y soient ensevelis, ou que ne s'abattra pas sur eux le supplice sans qu'ils ne le sentent venir? أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. Ou qu'il ne les surprendra pas, alors qu'il va à leurs activités habituelles, sans qu'ils puissent le tenir en échec. Ou qu'il ne les prendra pas dans leur pure panique. Mais votre Seigneur est tout compatissant et tout miséricordieux. N'ont-ils pas vu que tout ce qu'Allah a créé a ses ombres, qui se déploient sur la gauche et sur la droite, prosternés devant Allah, humbles et soumis? ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Devant Allah se prosterne ce qu'il y a dans les cieux et toute créature sur terre. Les anges même le font et ne montrent aucun orgueil. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils craignent leur Seigneur, qui les transcende et font ce qu'il leur est ordonné. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. Allah dit, ne prenez pas de divinité. Il n'y a qu'un Dieu unique. Ne redoutez donc que moi. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. À lui revient ce qui est dans les cieux et sur terre. À lui seul est dû éternellement la religion. Craindriez-vous donc un autre qu'Allah? وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Tout bienfait qui vous comble ne peut venir que d'Allah. Et quand un mal vous atteint, c'est lui seul que vous suppliez à haute voix. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Puis quand il éloigne de vous le mal, certains d'entre vous ne lui en prêtent pas moins des associés. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Cela pour renier ce que nous leur avons donné. Jouissez donc de cette jouissance éphémère. Un jour viendra où vous saurez. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. Ils consacrent en offrande à ceux qu'ils ne connaissent pas, les idoles, une part des biens que nous leur avons dispensés. Par Allah, vous serez certes interrogés sur les mensonges que vous inventiez. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Ils attribuent à Allah des filles, gloire lui soit rendue. Mais ils attribuent à eux-mêmes ce qu'ils désirent. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Un instant à l'un de la naissance d'une fille, son visage se rembounit de rage contenue. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Il ne se montre plus aux gens, honteux qu'il est de cette malheureuse nouvelle. Doit-il donc la garder en la laissant vivre dans l'humiliation, ou l'enfouir sous terre, comme est mauvais leur jugement. À ceux qui ne croient pas en l'autre monde, correspond la pire des images. Et à Allah, correspond la perfection la plus haute, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Si Allah voulait vraiment s'en prendre aux hommes pour leur injustice, il ne laisserait pas sur terre une seule créature vivante, mais il diffère leur châtiment à un terme déjà nommé. Et quand leur terme sera venu, ils ne pourront ni le retarder d'une heure, ni l'avancer d'autant. Ils attribuent à Allah ce qu'ils ne souhaiteraient pas pour eux-mêmes. Leur langue prétend mensongèrement qu'ils auront la plus belle des récompenses. Mais nul doute qu'ils auront le feu pour l'ultime séjour, où ils seront précipités les premiers, puis complètement oubliés. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Par Allah, nous avons envoyé nos messagers à d'autres communautés avant toi. Mais Satan a embelli leurs œuvres à leurs yeux. Lui est aujourd'hui leur allié et eux auront un supplice très douloureux. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Nous n'avons fait descendre sur toi le livre en révélation que pour que tu leur expliques à propos de quoi ils sont en désaccord et pour que ce soit une bonne direction, huda et miséricorde aux hommes qui croient. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. Allah a fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait revivre la terre après sa mort. Il y a bien là un signe pour des gens qui savent entendre. Et il est pour vous un enseignement dans les bestiaux, de ce que renferme leur ventre, entre excréments et sang. Nous vous abreuvons d'un lait pur, délicieux pour ceux qui en boivent. Et des fruits des palmiers et des vignes, vous extrayez des boissons enivrantes et de la bonne nourriture. Il y a bien là un signe pour des gens qui savent raisonner. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Ton Seigneur a inspiré aux abeilles. Prenez pour demeure les montagnes, les arbres et les treillages que font les hommes. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Puis butinez tous les fruits et suivez les chemins de votre Seigneur, déjà frayés pour vous. De leur ventre sort une boisson aux couleurs variées et aux vertus curatives pour les hommes. Il y a bien un signe pour des gens qui savent réfléchir. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhali al-umur likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna Allah 'alimun qadir. Allah vous a créé, puis il reprendra vos âmes. Et il en est parmi vous qui atteindront le plus décrépit des âges, et qui ne sauront plus rien après avoir tant su. Allah est omniscient et omnipotent. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq, فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. Allah a privilégié certains d'entre vous par rapport à d'autres, quant au bien qu'il vous dispense. Mais ceux qu'il a privilégiés ne sont pas prêts à partager leurs biens avec leurs esclaves, de sorte que ces derniers y soient associés à part égale. Renie-t-il donc si ingratement les bienfaits d'Allah ? وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Allah vous a donné des épouses issues de vous-même, et vous a donné de vos épouses des enfants et des petits-enfants. Il vous a dispensé d'excellentes nourritures. Est-ce donc après cela au faux qu'ils vont croire, et au bienfait d'Allah qu'ils vont mécroire ? Ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne détient pour eux aucune nourriture venant des cieux et de la terre, et ce qui ne peut rien pour eux. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Gardez-vous donc de prêter des émules à Allah, car Allah sait et vous ne savez pas. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. Allah propose en parabole, d'une part un esclave qui ne peut rien faire, et de l'autre un homme auquel nous avons largement dispensé de nos meilleurs dons, et qui en dépense discrètement et ouvertement. Les deux hommes sont-ils égaux ? Toute louange est à Allah. Non, la plupart ne savent pas. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Allah propose aussi en exemple deux hommes, dont l'un est muet et qui n'est capable de rien, alors qu'il vit entièrement à la charge de son maître, qui, où qu'il l'envoie, le voit lui revenir sans rien de bon. Peut-on considérer cet homme comme l'égal de celui qui ordonne l'équité et qui s'engage sur une voie droite ? ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. C'est à Allah qu'appartiennent les secrets inconnaissables, غيب, des cieux et de la terre. La question de l'avènement de l'heure est aussi rapide qu'un clin d'œil, ou plus fulgurant encore. Allah est certes de toutes choses infiniment capable. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dépourvus de toute science. Il vous a doté de l'ouïe, de la vue et des cœurs. Peut-être lui rendez-vous grâce. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ne vaut-il donc pas les oiseaux adaptés au vol dans l'espace du ciel ? Cela là peut les retenir dans les airs. Il y a bien là des signes pour des gens qui croient. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Allah a fait de vos demeures un lieu habité. Et il a fait pour vous à partir des peaux des bestiaux d'autres demeures, qui vous sont légères le jour où vous migrez, ou le jour où vous installez vos campements. De leur laine, de leur poil et de leur crin, il vous fournit divers objets de commodité, et des ustensiles utiles pour un temps. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Allah a fait pour vous, à partir des choses qu'il a créées, des ombrages. Et dans les montagnes, il vous a prévu des lieux où vous abriter. Il vous a donné des vêtements qui vous protègent de la chaleur, et d'autres qui vous préservent de vos propres violences au combat. C'est ainsi qu'Allah parfait ses bienfaits envers vous. Peut-être vous soumettrez-vous. S'il se détourne de toi, tu n'auras qu'une mission à remplir. La transmission claire de ton message. Ils connaissent les bienfaits d'Allah, mais les renient. Pour la plupart, ce sont des ingrats. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. Un jour, nous enverrons de chaque communauté un témoin. Alors, il ne sera pas permis aux mécréants de s'excuser auprès du Seigneur. Pas plus qu'il ne leur sera demandé de désavouer les péchés qu'ils auront commis. Quand les injustes verront le supplice, il ne leur sera accordé ni allègement, ni sourcil. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. Et quand ceux qui ont prêté des associés à Allah verront ceux qu'ils associaient à Allah, ils diront: Seigneur, ceux-là sont ceux que nous t'avons associés et que nous invoquions en dehors de toi. Mais ceux qui les associaient à Allah leur retorqueront: vous n'êtes que des menteurs. Les mécréants feront ce jour-là leur soumission à Allah, et tout ce qu'ils avaient inventé comme divinité les abandonnera. À ceux qui ont mécru et se sont mis au travers du chemin d'Allah, nous ajouterons supplice sur supplice pour la corruption qu'ils semaient de par le monde. Évoque le jour où nous enverrons dans chaque communauté un témoin issu de son propre peuple et contre lequel il viendra témoigner. Et nous t'appellerons en témoin contre cela, toi à qui nous avons révélé le livre, clair exposé de toutes choses, juste direction, Houda, miséricorde et heureuse annonce pour les musulmans. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et le traitement bienveillant des proches. Il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et les abus de toutes sortes. Ainsi vous exhorte-t-il afin que vous vous en souveniez. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Honorez l'engagement envers Allah une fois que vous l'avez pris. Ne vous parjurez point après avoir solennellement prêté serment et pris Allah pour garant. Car Allah sait ce que vous faites. ولا تكونوا كالذين قضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Ne soyez pas comme celle qui défait sa laine filée après l'avoir solidement enroulée, et ce, en utilisant vos serments pour vous tromper les uns les autres, sous prétexte que tel clan est plus nombreux que l'autre. Allah ne fait par là que vous mettre à l'épreuve, et le jour de la résurrection, il vous dévoilera clairement l'objet de vos litiges. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et vous serez interrogés sur ce que vous faisiez. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. N'utilisez pas vos serments pour vous tromper les uns les autres. Si vous ne voulez pas qu'un pied ferme ne se dérobe et glisse, vous goûteriez alors le malheur pour avoir obstrué le chemin d'Allah et vous auriez un terrible supplice. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. Et ne troquez pas l'engagement envers Allah contre un prix bas. Ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur, si seulement vous pouviez savoir. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ce que vous avez s'épuise, et ce qu'il y a auprès d'Allah demeure. Nous rétribuerons ceux qui auront été patients selon les meilleures œuvres qu'ils accomplissaient. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ceux qui, hommes ou femmes, auront accompli une bonne œuvre en étant croyants, nous les ferons vivre d'une vie heureuse et nous les rétribuerons selon ce qu'ils auront fait de mieux. Lorsque tu lis le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Il n'a aucun ascendant sur ceux qui ont la foi et qui s'en remettent à leur Seigneur. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Il n'a d'emprise que sur ceux qui font de lui leur allié et l'associent à Allah. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah en sait mieux sur ce qu'il fait descendre en révélation, ils disent « Tu es sûrement un menteur, mais la plupart d'entre eux n'en savent rien. » Dis, celui qui l'a fait descendre est l'Esprit Saint, de la part de ton Seigneur, pour affermir dans leur foi ceux qui ont cru et servir de bonne direction, Huda, et d'heureuses annonces aux musulmans. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Et nous savons qu'ils disent, ce doit être un homme qui le lui enseigne. Or, la langue de celui qu'il vise est étrangère, quand celle-ci est une langue arabe parfaitement claire. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, Allah ne les guidera point, et ils seront voués à un supplice très douloureux. N'inventent les mensonges que ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ceux-là sont les menteurs. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Ceux qui mécroient en Allah après avoir cru en lui, sauf s'ils abjurent sous la contrainte, alors que leur cœur reste ferme en sa foi. Ceux qui ouvrent volontiers leur cœur à la mécréance verront la colère d'Allah s'abattre sur eux, et ils auront un terrible supplice. Cela parce qu'ils auront préféré la vie en ce bas monde à celle de l'autre monde. Et Allah, lui, ne dit point le peuple mécréant. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ce sont eux sur les cœurs, les oreilles et les yeux de qui Allah a imprimé un sceau. Et ce sont eux les distraits. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Nul doute que ce seront eux, dans l'autre monde, les perdants. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Puis ton Seigneur, envers ceux qui auront émigré après avoir été mis à l'épreuve, et qui auront lutté et fait montre de patience. Ton Seigneur, après cela, est certes absoluteur et tout miséricordieux. Le jour arrivera où chaque âme viendra plaider pour elle-même, et où chaque être aura son entière rétribution, d'après les œuvres qu'il aura accomplies, et où personne ne sera lésé. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah donne un exemple une cité qui vivait paisiblement et en toute sécurité. Sa nourriture lui venait de toutes parts en abondance, mais elle renia les bienfaits d'Allah. Allah lui fit goûter alors la souffrance de la faim et de la peur, pour prix des actions de ses habitants. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Un messager, issu d'entre eux, était venu vers eux, mais ils l'ont traité d'imposteur. Le supplice les a donc surpris, alors qu'ils étaient injustes. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Mangez donc de ce qu'Allah vous a dispensé de l'icité de bon. Rendez grâce à Allah pour ses bienfaits, si c'est lui seul que vous adorez. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Il vous a défendu la bête morte, le sang, la viande de porc et de tout animal égorgé sur lequel a été prononcé le nom d'un autre qu'Allah. Cependant, celui qui y est contraint, et ne le fait ni par abus, ni par transgression, doit savoir qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ne dites pas, en laissant libre cours aux mensonges que profèrent vos langues, voilà qui est licite et voilà qui est illicite, débitant ainsi des mensonges sur le compte d'Allah. Car ceux qui imputent le mensonge à Allah ne peuvent réussir. متاع قليل ولهم عذاب أليم. Leur jouissance des biens d'ici-bas sera dérisoire, mais leur supplice très douloureux. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Aux juifs, nous avons défendu les nourritures que nous t'avons déjà mentionnées. Nous ne les avons point lésées, mais ils se lésaient eux-mêmes. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. Quant à ceux qui auront commis le mal par ignorance, puis se seront repentis par la suite et se seront amendés, ton Seigneur, après cela, sera pour eux absoluteur et tout miséricordieux. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Abraham fut un parfait imam, un guide parfait, soumis à Allah en pur monothéiste. Il n'était pas du nombre des associés. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Il était reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et conduit vers une voie droite. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Nous lui avons accordé les bienfaits de ce bas monde et dans l'autre il sera parmi les vertueux. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Puis, nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, qui fut monothéiste exclusif, et n'était point du nombre des associatres. Le sabbat ne fut prescrit que pour ceux qui étaient partagés à son sujet. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera leurs différends. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Appelle vers le chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Argumente avec eux de la façon la plus sereine, car ton Seigneur est le meilleur à savoir qui dévie de sa voie et le meilleur à savoir qui sont les bien guidés. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Et si vous punissez, punissez donc d'une punition égale à celle qui vous a été infligée. Mais si vous êtes patient, à la peine, cela est bien meilleur pour ceux qui savent être patients. Prends patience. Ta patience ne se peut qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'attriste point pour eux et ne t'angoisse pas de leurs intrigues. Allah est avec ceux qui le craignent et qui sont bienfaisants.